Au sport, le 28 décembre. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Offer de Saint-François, l'équipe Midget B des Sharks du Haut-Saint-François visite les Frontaliers 2 à Quaticook à 14 h.